Les Antilles, Kamandé, Yakon, Bitpou, Haïti. Attention. Approchez-vous les 8. Pour les 8, balancez-moi les 8. On dit mais les 8. Ça c'est ouvert violon. Bien ici mon chien, mets ton doigt les quatre mamies en Fidji. En avant des numéros 1, in, 10, 3, 4. Traversez, bien ici mon chien, traversez-moi sur la main droite. Connaissez votre place en arrivant. Vis-à-vis, balancez-moi les vies. On me, belle parole, violon, belle chacha, n'harmonie. On dit mais envoyez-moi la dame là, j'ai des dames. Vis-à-vis balancez moi légèrement. On arrive vers moi, balancez. Balancez à la même place. On dit mais envoyez-moi la dame là, j'ai des dames. Laissez votre place en arrivant, la dame. Dublé à gauche, dublé à droite. Yes, sir, yes.